très froid, production orale. Imaginez que Mireille a une cousine qui, physiquement, est très différente d'elle. Le portrait physique de cette cousine est exactement l'opposé, le contraire, du portrait de Mireille. Dans l'enregistrement, on va faire le portrait de la cousine de Mireille, phrase par phrase. Après chaque phrase que vous entendez, vous allez dire une phrase contraire, qui correspond au portrait de Mireille. Par exemple, vous entendez... 1. Sa cousine est plutôt grande. Vous dites le contraire. Mireille est plutôt petite. Bien, vous entendez... 2. Sa cousine a l'air robuste. Et vous dites... Mireille a l'air fragile. 3. Elle est en mauvaise santé. Elle est en bonne santé. 4. Elle est un peu forte. Elle est mince. 5. Elle a le cou court et épais. Mireille a le cou long et fin. 6. Elle a la taille épaisse. Mireille a la taille fine. 7. La cousine de Mireille a les doigts courts. Mireille a les doigts longs. 8. La cousine a les jambes courtes. Mireille a les jambes longues. 9. La cousine est brune. Mireille est blonde. 10. Mais sa cousine a les cheveux courts. Mais Mireille a les cheveux longs.